Carol Flanders, 24e partie. Je reviens ici à ma gouvernante qui avait été dangereusement malade et ayant approché autant de la mort par sa maladie que moi par ma sentence, était extrêmement repentante. Je ne l'avais point vue pendant tout ce temps, mais comme elle se remettait et qu'elle pouvait tout justement sortir, elle vint me voir. Je lui dis ma condition et en quels différents flux et reflux de craintes et d'espérances j'avais été agitée. Je lui dis à quoi j'avais échappé et sous quelles conditions. Et elle était présente lorsque le ministre commença d'exprimer des craintes sur ce que je retomberais dans mon vice lorsque je me trouverais mêlée à l'horrible compagnie que généralement on déporte. En vérité, j'y réfléchissais mélancoliquement moi-même, car je savais bien quelle affreuse bande on embarque d'ordinaire, et je dis à ma gouvernante que les craintes du bon ministre n'étaient pas sans fondement. « Bon, bon, dit-elle, mais j'espère bien que tu ne seras point tentée par un si affreux exemple. » Et aussitôt que le ministre fut parti, elle me dit qu'il ne fallait pas me décourager, puisque peut-être elle trouverait des voies et moyens pour disposer de moi d'une façon particulière, de quoi elle me parlerait plus à plein plus tard. Je la regardai avec attention, et il me parut qu'elle avait l'air plus gaie que de coutume. Et immédiatement j'entretins mille notions d'être délivrée, mais n'eusse pu pour ma vie en imaginer les méthodes, ni songer à une qui fût praticable. Mais j'y étais trop intéressée pour la laisser partir sans qu'elle s'expliquât, ce que toutefois elle fut très répugnante à faire, mais comme je la pressais toujours, me répondit en un peu de mots ainsi. « Mais tu as de l'argent, n'est-ce pas ? En as-tu déjà connu une dans ta vie qui se fit déporter avec 100 livres dans sa poche ? Je te le promets, mon enfant, dit-elle. Je la compris bien vite, mais lui dis que je ne voyais point lieu d'espérer d'autre chose que la stricte exécution de l'ordre, et qu'ainsi que c'était une sévérité qu'on regardait comme une merci, il n'y avait point de doute qu'elle ne serait strictement observée. Elle répondit seulement ceci. « Nous essaierons ce qu'on peut faire. » Et ainsi nous nous séparâmes. Je demeurai en prison encore près de 15 semaines. Quelle en fut la raison, je n'en sais rien, mais au bout de ce temps, je fus embarqué à bord d'un navire dans la Tamise, et avec moi une bande de 13 créatures, aussi viles et aussi endurcies, que Newgate en produisit jamais de mon temps. Et, en vérité, il faudrait une histoire plus longue que la mienne pour décrire les degrés d'impudence et d'audacieuse coquinerie auxquels ces 13 arrivèrent, ainsi que la manière de leur conduite pendant le voyage. De laquelle je possède un divertissant récit qui me fut donné par le capitaine du navire qui les transportait et qui l'avait fait écrire en grand détail par son second. On pourra sans doute penser qu'il est inutile d'entrer ici dans la narration de tous les petits incidents qui me survinrent pendant cet intervalle de mes circonstances, je veux dire, entre l'ordre final de ma déportation et le moment que je m'embarquais, et je suis trop près de la fin de mon histoire pour y donner place. Mais je ne saurais omettre une chose qui se passa entre moi et mon mari de Lancashire. Il avait été transféré, ainsi que je l'ai remarqué déjà, de la section du maître à la prison ordinaire, dans le préau, avec trois de ses camarades, car on en trouva un autre à leur joindre après quelque temps. Là, je ne sais pour quelle raison, on les garda sans les mettre en jugement près de 3 mois. Il semble qu'ils trouvèrent le moyen de corrompre ou d'acheter quelques-uns de ceux qui devaient témoigner contre eux et qu'on manquait de preuves pour les condamner. Après quelque embarras sur ce sujet, ils s'efforcèrent d'obtenir assez de preuves contre deux d'entre eux pour leur faire passer la mer. Mais les deux autres, desquels mon mari du Lancashire était l'un, restaient encore en suspens. Ils avaient, je crois, une preuve positive contre chacun d'eux. Mais la loi les obligeant à produire 2 témoins, ils ne pouvaient rien en faire. Pourtant, ils étaient résolus à ne point non plus relâcher ces hommes, persuadés qu'ils étaient d'obtenir témoignage à la fin. Et à cet effet, on fit publier, je crois, que tels et tels prisonniers avaient été arrêtés et que tout le monde pouvait venir à la prison pour les voir. Je saisis cette occasion pour satisfaire ma curiosité, feignant d'avoir été volé dans le coche de Dunstable et que je voulais voir les 2 voleurs de Grand-Route. Mais quand je vins dans le préau, je me déguisai de telle manière et j'en mitouflai mon visage si bien qu'il ne put me voir que bien peu et qu'il ne reconnut nullement qui j'étais. Mais sitôt que je fus revenu, je dis publiquement que je les connaissais très bien. Aussitôt, on sut par toute la prison que Moll Flanders allait porter témoignage contre un des voleurs de Grand-Route, grâce à quoi on me remettrait ma sentence de déportation. Ils l'apprirent, et immédiatement mon mari désira voir cette Madame Flanders qui le connaissait si bien et qui allait témoigner contre lui. Et, en conséquence, j'eus l'autorisation d'aller le trouver. Je m'habillai aussi bien que les meilleurs vêtements que je souffris jamais de porter là me le permirent, et je me rendis dans le préau. Mais j'avais un chaperon sur la figure. Il me dit bien peu de choses d'abord, mais me demanda si je le connaissais. Je lui dis qu'oui, fort bien. Mais ainsi que j'avais caché mon visage, ainsi je contrefis ma voix aussi, et il n'eut pas la moindre idée de la personne que j'étais. Il me demanda où je l'avais vu. Je lui dis entre Dunstable et Brickhill. Mais, me tournant vers le gardien qui se trouvait là, je demandai s'il ne pouvait me permettre de lui parler seul. Il dit « Oui, oui », et très civilement se retira. Sitôt qu'il fut parti et que j'eus fermé la porte, je rejetai mon chaperon et, éclatant en larmes, « Mon chéri, dis-je, tu ne me reconnais pas ?» Il devint pâle et demeura sans voix comme frappé par la foudre, et, incapable de vaincre sa surprise, ne dit autre chose que ces mots « Laissez-moi m'asseoir !» Puis, s'asseyant près de la table, la tête appuyée sur sa main, fixa le sol des yeux comme stupéfié. Je pleurai si violemment d'autre part que ce fut un bon moment avant que je pusse parler de nouveau. Mais après avoir laissé libre cours à ma passion, je répétai les mêmes paroles. « Mon chéri, tu ne me reconnais pas ?» Sur quoi il répondit « Si » et ne dit plus rien pendant longtemps. Après avoir continué dans la même surprise, il releva les yeux vers moi et dit « Comment peux-tu être aussi cruel ? » Je ne compris vraiment pas ce qu'il voulait dire et je répondis « Comment peux-tu m'appeler cruelle ?»« De venir me trouver, » dit-il, « en un lieu tel que celui-ci. N'est-ce point pour m'insulter ? Je ne t'ai pas volé, du moins sur la grande route. » Je vis bien par là qu'il ne savait rien des misérables circonstances où j'étais, et qu'il pensait qu'ayant appris qu'il se trouvait là, je fusse venu lui reprocher de m'avoir abandonné. Mais j'avais trop à lui dire pour me vexer, et je lui expliquai en peu de mots que j'étais bien loin de venir pour l'insulter, mais qu'au fort j'étais venu pour que nous nous consolions mutuellement et qu'il verrait bien aisément que je n'avais point d'intention semblable quand je lui aurais dit que ma condition était pire que la sienne et en bien des façons. Il eut l'air un peu inquiété sur cette impression que ma condition était pire que la sienne. Mais avec une sorte de sourire, il dit « Comment serait-ce possible, quand tu me vois enchaîné et à Newgate, et avec deux de mes compagnons déjà exécutés, peux-tu dire que ta condition est pire que la mienne ?»« Allons, mon cher, dis-je, nous avons un long ouvrage à faire. S'il faut que je compte ou que tu écoutes mon infortunée histoire. Mais si tu désires l'entendre, tu t'accorderas bien vite avec moi sur ce que ma condition est pire que la tienne. » « Et comment cela se pourrait-il, dit mon mari, puisque je m'attends à passer en jugement capital à la prochaine session même ?»« Si, dis-je, cela se peut fort bien. » Quand je t'aurais dit que j'ai été condamné à mort il y a 3 sessions et que je suis maintenant sous sentence de mort, mon cas n'est-il pas pire que le tien ? Alors, en vérité, il demeura encore silencieux comme un frappé de mutisme et, après un instant, il se dressa. « Infortuné couple, dit-il, comment est-ce possible ? » Je le pris par la main. « Allons, mon ami, dis-je, assieds-toi et comparons nos douleurs. Je suis prisonnière dans cette même maison et en bien plus mauvaise condition que toi, et tu seras convaincu que je ne suis point venu pour t'insulter quand je t'en dirai les détails. » Et là-dessus, nous nous assîmes tous deux, et je lui contai autant de mon histoire que je pensais convenable, arrivant enfin à ce que j'avais été réduite à une grande pauvreté et me représentant comme tombée dans une compagnie qui m'avait entraînée à soulager mes détresses en une façon pour moi inaccoutumée, et que, ayant fait une tentative sur la maison d'un marchand, j'avais été arrêtée pour n'avoir fait qu'aller jusqu'à la porte une fille de service m'ayant saisie à l'improviste, que je n'avais point forcé de serrure, ni rien enlevé, et que, ce nonobstant, j'avais été reconnue coupable et condamnée à mourir. Mais que les juges ayant été touchés par la dureté de ma condition avaient obtenu pour moi la faveur d'être déportée. Je lui dis que j'avais eu d'autant plus de malheur que j'avais été prise dans la maison pour une certaine Moll Flanders qui était une grande et célèbre voleuse dont ils avaient tous entendu parler mais qu'aucun d'eux n'avait jamais vue. Mais qu'ils savaient bien que ce n'était point là mon nom. Mais je plaçais tout sur le compte de ma mauvaise fortune et que sous ce nom j'avais été traitée comme une ancienne délinquante, malgré que ce fût la première chose qu'ils eussent jamais su de moi. Je lui fis un long récit de ce qui m'était arrivé depuis qu'il m'avait vue. Mais je lui dis que je l'avais revue depuis et sans qu'il s'en fût douté. Puis je lui racontai comment je l'avais vue à Brick Hill, comment il était poursuivi, et comment, en déclarant que je le connaissais et que c'était un fort honnête gentilhomme, j'avais arrêté la huée et que le commissaire s'en était retourné. Il écouta très attentivement toute mon histoire et sourit de mes aventures, étant toutes infiniment au-dessous de celles qu'il avait dirigées en chef. Mais quand je vins à l'histoire de Little Brick Hill, il demeura surpris. « Alors c'était toi, ma chérie, dit-il, qui arrêta la populace à Brick Hill ?»« Oui, dis-je, c'était moi, en vérité. » Et je lui dis les détails que j'avais observés alors à son sujet. « Mais alors, dit-il, c'est toi qui m'as sauvé la vie dans ce temps, et je suis heureux de te devoir la vie à toi, car je vais m'acquitter de ma dette à cette heure et te délivrer de la condition où tu es, dussé-je y périr. » Je lui dis qu'il n'en fallait rien faire, que c'était un risque trop grand et qu'il ne valait pas qu'il encourût le hasard et pour une vie qui ne valait guère qu'il la sauvât. « Peu importait, dit-il, c'était pour lui une vie qui valait tout au monde, une vie qui lui avait donné une nouvelle vie. Car, dit-il, je n'ai jamais été dans un véritable danger que cette fois-là, jusqu'à la dernière minute où j'ai été pris. » Et en vérité, son danger à ce moment était en ce qu'il pensait qu'il n'eût point été poursuivi par là, car ils avaient décampé de Hawksley par un tout autre chemin, et ils étaient arrivés à Brick Hill à travers champs, par-dessus les haies, persuadés de n'avoir été vus par personne. Ici il me donna une longue histoire de sa vie, qui, en vérité, ferait une très étrange histoire et serait infiniment divertissante. Et me dit qu'il avait pris la grande route environ 12 ans avant de m'avoir épousée. Que la femme qu'il appelait frère n'était point sa parente, mais une qui était affiliée à leur clique, et qui, tenant correspondance avec eux, vivait toujours en ville à cause qu'elle avait beaucoup de connaissances. Qu'elle les avertissait fort exactement sur les personnes qui sortaient de la ville et qu'ils avaient fait de riches butins sur ces renseignements. Qu'elle pensait avoir mis la main sur la fortune pour lui quand elle m'avait amené à lui, mais qu'il s'était trouvé qu'elle avait été déçue, ce dont il ne pouvait vraiment lui vouloir. Que si j'avais eu un état, ainsi qu'elle en avait été informée, il avait résolu de quitter la grande route et de vivre une nouvelle vie, sans jamais paraître en public avant qu'on eût publié quelque pardon général ou qu'il eût pu faire mettre son nom, pour de l'argent, dans quelque rémission particulière, de façon à être parfaitement à l'aise. Mais que les choses ayant tourné autrement, il avait dû reprendre son vieux métier. Il me fit un long récit de quelques-unes de ses aventures, et en particulier d'une où il pilla les coches de Westchester, près Lakefield, où il fit un gros butin. Et ensuite, comment il vola 5 éleveurs dans l'Ouest qui s'en allaient à la foire de Burford, en Wiltshire, pour acheter des moutons. Il me dit qu'il avait pris tant d'argent sur ses 2 coups que, s'il eût su où me trouver, il aurait certainement accepté ma proposition d'aller tous deux en Virginie, ou de nous établir sur une plantation ou dans quelque autre colonie anglaise d'Amérique. Il me dit qu'il m'avait écrit 3 lettres et qu'il les avait adressées conformément à ce que je lui avais dit, mais qu'il n'avait point eu de mes nouvelles. C'est ce que je savais bien en vérité. Mais ces lettres m'étant venues en main, dans le temps de mon dernier mari, je n'y pouvais rien faire, et je n'avais donc point fait de réponse, afin qu'il pensât qu'elles se fussent perdues. Je m'enquis alors des circonstances de son cas présent, et de ce qu'il attendait, quand il viendrait à être jugé. Il me dit qu'il n'y avait point de preuve contre lui, à cause que sur les 3 vols dont on les accusait tous, c'était sa bonne fortune qu'il n'y en eût eu qu'un où il eût été mêlé, et qu'on ne pouvait trouver qu'un témoin sur ce fait, ce qui n'était pas suffisant. Mais qu'on espérait que d'autres se présenteraient, et qu'il pensait, quand d'abord il me vit, que j'en fusse une qui était venue à ce dessein. Mais que si personne ne se présentait contre lui, il espérait qu'il serait absous. Qu'on lui avait insinué que s'il se soumettait à la déportation, on la lui accorderait sans jugement, mais qu'il ne pouvait point s'y résigner et qu'il pensait qu'il préférait encore la potence. Je le blâmai là-dessus, d'abord à cause que, s'il était déporté, il pouvait y avoir sans façon pour lui, qui était gentilhomme et hardi aventurier d'entreprise, de trouver moyen de revenir, et peut-être quelques voies et moyens de retourner avant que de partir. Il me sourit sur cette partie et dit que c'était la dernière chose qu'il préférait, ayant une certaine horreur dans l'esprit à se faire envoyer aux plantations, ainsi que les Romains envoyaient des esclaves travailler dans les mines. Qu'il pensait que le passage en un autre monde fût beaucoup plus supportable à la potence, et que c'était l'opinion générale de tous les gentilshommes qui étaient poussés par les exigences de leur fortune à se mettre sur le grand chemin. Que sur la place d'exécution, on trouvait au moins la fin de toutes les misères de l'état présent. Et que, pour ce qui venait après, à son avis, un homme avait autant de chances de se repentir sincèrement pendant les derniers 15 jours de son existence, sous les agonies de la geôle et du trou des condamnés, qu'il en aurait jamais dans les forêts et déserts de l'Amérique. Que la servitude et les travaux forcés étaient des choses auxquelles des gentilshommes ne pouvaient jamais s'abaisser. Que ce n'était qu'un moyen de les forcer à se faire leurs propres bourreaux, ce qui était bien pire, et qu'ils ne pouvaient avoir de patience, même quand ils ne faisaient qu'y penser. J'usai de mes efforts extrêmes pour le persuader, et j'y joignis l'éloquence connue d'une femme, je veux dire celle des larmes. Je lui dis que l'infamie d'une exécution publique devait peser plus lourdement sur les esprits d'un gentilhomme qu'aucune mortification qu'il pût rencontrer par-delà la mer. Qu'au moins, dans l'autre cas, il avait une chance de vivre, tandis que là, il n'en avait point. Que ce serait pour lui la chose la plus aisée du monde que de s'assurer d'un capitaine de navire étant d'ordinaire gens de bonne humeur. Et qu'avec un peu de conduite, surtout s'il pouvait se procurer de l'argent, il trouverait moyen de se racheter quand il arriverait en Virginie. Il me jeta un regard plein de désir, et je devinai qu'il voulait dire qu'il n'avait point d'argent. Mais je me trompai, ce n'était point là ce qu'il entendait. « Tu viens de me donner à entendre, ma chérie, dit-il, qu'il pouvait y avoir un moyen de revenir avant que de partir. Par quoi j'ai entendu qu'il pourrait être possible de se racheter ici. J'aimerais mieux donner 200 livres pour éviter de partir que 100 livres pour avoir ma liberté une fois que je serai là-bas. C'est que, dis-je, mon cher, tu ne connais pas le pays aussi bien que moi. Il se peut, dit-il, et pourtant je crois, si bien que tu le connaisses, que tu ferais de même. À moins que ce ne soit, ainsi que tu me l'as dit, parce que tu as ta mère là-bas. Je lui dis que pour ma mère, elle devait être morte depuis bien des années. et que pour les autres parents que j'y pouvais avoir, je ne les connaissais point. Que depuis que mes infortunes m'avaient réduite à la condition où j'avais été depuis plusieurs années, j'avais cessé toute correspondance avec eux, et qu'ils pouvaient bien croire que je serais reçu assez froidement s'il fallait que je leur fisse d'abord visite dans la condition d'une voleuse déportée. Que par ainsi, au cas où j'irais là-bas, j'étais résolu à ne les point voir, mais que j'avais bien des vues sur ce voyage qui en ôterait toutes les parties pénibles, et que s'il se trouvait obligé d'y aller aussi, je lui enseignerais aisément comment il fallait s'y prendre pour ne jamais entrer en servitude, surtout puisque je trouvais qu'il ne manquait pas d'argent, qui est le seul ami véritable dans cette espèce de condition. Il me sourit et me répondit qu'il ne m'avait point dit qu'il eût de l'argent. Je le repris du cours et lui dis que j'espérais qu'il n'avait point entendu par mon discours que j'attendisse aucun secours de lui s'il avait de l'argent. Qu'au contraire, malgré que je n'en eusse pas beaucoup, pourtant je n'étais pas dans le besoin, et que, pendant que j'en aurais, j'ajouterais plutôt à sa réserve que je ne l'affaiblirais, sachant bien que, quoi qu'il eût, en cas de déportation, il lui faudrait le dépenser jusqu'au dernier liard. Il s'exprima sur ce chef de la manière la plus tendre. Il me dit que l'argent qu'il avait n'était point une somme considérable, mais qu'il ne m'en cacherait jamais une parcelle si j'en avais besoin, et m'assura qu'il n'avait nullement parlé avec de telles intentions, qu'il était seulement attentif à ce que je lui avais suggéré, qu'ici il savait bien quoi faire, mais que là-bas il serait le misérable le plus impuissant qui fût au monde. Je lui dis qu'il s'effrayait d'une chose où il n'y avait point de terreur, que s'il avait de l'argent, ainsi que j'étais heureuse de l'apprendre, il pouvait non seulement échapper à la servitude qu'il considérait comme la conséquence de la déportation, mais encore recommencer la vie sur un fondement si nouveau qu'il ne pouvait manquer d'y trouver le succès s'il y donnait seulement l'application commune qui est usuelle en de telles conditions. Qu'il devait bien se souvenir que je le lui avais conseillé il y avait bien des années et que je lui avais proposé ce moyen de restaurer nos fortunes en ce monde. J'ajoutai qu'afin de le convaincre tout ensemble de la certitude de ce que je disais, de la connaissance que j'avais de la méthode qu'il fallait prendre et de la probabilité du succès, il me verrait d'abord me délivrer moi-même de la nécessité de passer la mer, et puis que je partirais avec lui librement, de mon plein gré, et que peut-être j'emporterais avec moi assez pour le satisfaire. Que je ne lui faisais point cette proposition, parce qu'il ne m'était pas possible de vivre sans son aide, mais que je pensais que nos infortunes mutuelles eussent été telles qu'elles étaient suffisantes à nous accommoder tous deux à quitter cette partie du monde pour aller vivre en un lieu où personne ne pourrait nous reprocher le passé, et où nous serions libres, sans les tortures d'un cachot de condamné pour nous y forcer, de considérer tous nos désastres passés avec infiniment de satisfaction, regardant que nos ennemis nous oublieraient entièrement, et que nous vivrions comme nouveaux hommes dans un nouveau monde, n'y ayant personne qui eût droit de rien nous dire, ou nous à eux. »